2003, pas grand chose qui change. On prend les mêmes et on recommence. 1. Quand la loi du silence rencontre la liberté d'expression, ça donne note d'espoir. Hey, wa. Hey, wa. L'événement dépasse l'entendement, la raison n'a plus sa place. Laisse parler mon cœur pour tous et sans verser sous la menace. Feuilleton qui lasse, où se mêlent politique, mafia et religion. On joue à cartes truquées pour déclin toute une nation. Manifestation de la haine au nom du pouvoir, au nom de l'humain. Les résultats sont les mêmes. Quand un frère a opté pour l'extrême, massacrer son propre frère qu'on aime. Combien même Allah protège ceux qu'il aime. Le chétan en graine envenime les problèmes. Massacre son visage, en pleine face les pires atrocités. Viol, exécution, pillage. Contraire au pur saura tricité. Ressusciter la loi du silence passe en plein. Si le train. Au bout du compte, on n'a plus peur de rien. Alors, attraction, j'dis bismillah. Éviter les faux pas et dire astaghfirullah. Même les jours sombres, j'dis alhamdoulilah. Bismillah, astaghfirullah, alhamdoulilah. À la moindre action, j'dis bismillah. Éviter les faux pas et dire astaghfirullah. Même les jours sombres, j'dis alhamdoulilah. Qui doit t'en pointer du doigt dans le génocide algérien? Est-ce l'islam ou un barge qui tient le Coran entre ses mains? Est-ce des politiciens, l'armée mafieux déguisée pour l'occasion? Manipuler les citoyens, des tas de questions sans réponse. Et quand j'y pense en France, la télévision complice m'a tellement bourré le crâne, à base d'informations pour être vice. Que chiffres, que d'auteurs balancés sans fondement. Tout pour l'audimat, nous marginaliser ici, nous et nos parents. Banaliser l'événement, sans que l'État prenne réellement part à des actions. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a eu concrètement? Ouais, ou part, se donne les bonnes consciences. Mater ce peuple et sa souffrance, tout ça sur le compte de l'ingérence. Ça flingue la tête, personne ne bouge, chacun ses histoires. Rien à foutre l'humanitaire, ce n'est pas Koweït City blindé d'or noir. À croire qu'ils sont tous dans le même sac, vide de vérité, y'a trop de blabla. Manque d'art, chacun ses responsabilités. À la moindre action, j'dis bismillah. Éviter les faux pas et dire astaghfirullah. Même les jours sombres, j'dis alhamdoulilah. Bismillah, astaghfirullah, alhamdoulilah. À la moindre action, j'dis bismillah. Éviter les faux pas et dire astaghfirullah. Même les jours sombres, j'dis alhamdoulilah. Bismillah, astaghfirullah, alhamdoulilah. Ils font couler le sang, moi je fais couler l'encre en réponse aux larmes de nos frères. Pour ceux qui ont perdu des êtres chers, c'est cet enfer. Marqué au fer rouge, tampon de la dérive. J'écris pour que l'oubli ne soit pas complice. La récidive, nouveau millénaire, nouvelle ère. La paix prend place, l'horreur s'éloigne. Tout comme le peuple, j'espère du fond du cœur qu'à nouveau les sourires s'esquissent. S'affichent qu'après le cauchemar et la mort, le rêve, la vie ressurgissent. À la moindre action, j'dis bismillah. Éviter les faux pas et dire astaghfirullah. Même les jours sombres, j'dis alhamdoulilah. Bismillah, astaghfirullah, alhamdoulilah. À la moindre action, j'dis bismillah. Éviter les faux pas et dire astaghfirullah. Même les jours sombres, j'dis alhamdoulilah. Bismillah, astaghfirullah, alhamdoulilah. À la moindre action, j'dis bismillah. Éviter les faux pas et dire astaghfirullah. Même les jours sombres, j'dis alhamdoulilah. Bismillah, astaghfirullah, alhamdoulilah. À la moindre action, j'dis bismillah. Éviter les faux pas et dire astaghfirullah. Même les jours sombres, j'dis alhamdoulilah. La ilaha illallah, anna Muhammad ar-Rasulullah.